tous, bienvenue à cette dernière édition en français de ce 19 février, dont voici d'abord les grandes articulations. Le coordinateur de Frontline Defenders dans la région de l'Afrique de l'Est a été libéré dans l'après-midi de ce lundi, après 3 jours de détention au service de renseignement burundais, selon les informations du vice-président de cette organisation de défense des droits de l'homme. Un vent violent a porté les vies de 8 pêcheurs sur le lac Tanganyika. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. À part ces vies perdues, des bateaux de pêche ont été endommagés. Une délégation des députés de l'EALA est à Bujumbura depuis ce samedi pour une visite de travail en vue de parler du marché commun ainsi que l'intégration de tous les pays dans la communauté est-africaine. En sport, le nouvel entraîneur de Vitalo compte redynamiser cette équipe pour la remettre au podium des grandes formations footballistiques. Vous l'entendrez dans ce journal mis en onde par Jean de Dieu Ndeisenga. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndeikeza. Vous n'avez pas Isanga Milo? Vous ratez l'essentiel. Bienvenue encore. 8 pêcheurs sont morts et plusieurs bateaux de pêche endommagés. C'est le bilan provisoire des pertes occasionnées par des vents violents survenus dans le lac Tanganyika la nuit de ce dimanche à lundi. Jean-Pierre Misago pour plus de détails. Le matin de ce lundi, l'heure était à la réparation des bateaux de pêche pour les rescapés des intempéries de la nuit de ce dimanche à la plage de Rumonge. À 11h du matin de ce lundi, 8 pêcheurs avaient été déjà identifiés comme ayant perdu la vie dans ces intempéries et leur corps n'avait pas été repêché aux plages de Magara, Kagongo, Rumonge, Karonda et Mvugo, selon ces rescapés relayés par Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi. Des bateaux de pêche, dont le nombre n'était pas encore déterminé, ont été endommagés, ainsi que les matériels de pêche et un moteur, notamment à la plage de Kagongo. Au moment où certains pêcheurs estiment que le gilet de sauvetage ne pouvait rien servir dans ces conditions, Gabriel Butoyi appelle plutôt ces pêcheurs à se munir toujours de ce gilet. En effet, selon lui, ce gilet permet à la victime de nager pendant longtemps et avoir ainsi des chances d'être secouru. Et dans le cas où il est noyé, ce gilet permet à son corps de flotter à la surface et être ainsi récupéré. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago pour cette correspondance. Une délégation de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine est à Bujumbura depuis samedi de la semaine dernière. Entre autres missions, et comme l'indique Wanjiku Muiya, la chef de délégation, ses députés verront ensemble l'état d'avancement de la création d'un marché commun. Cette mission se fait en 2 coins, le corridor nord et le corridor central. Suivez la députée Wanjiku Muiya, traduite en français par le parlementaire burundais Jean-Marie Muhigwa. We are Yala members and we embarked this mission or the tour on 12 February. Le Parlement ou l'Assemblée législative de la communauté africaine a décidé de mener une évaluation de l'intégration au niveau de la communauté est-africaine. Pour pouvoir mener alors cette activité hautement louable, l'Assemblée législative de la communauté est-africaine s'est divisée en 2 équipes. La première équipe a pris le chemin du corridor nord, où on a commencé par le port de Mombasa, puis Kisumu, et ainsi continué sur le corridor nord. Nos membres alors de l'équipe 2, nous avons emprunté le chemin du corridor central. Nous avons commencé par visiter le port de Zanzibar, et après visiter la commission en charge de l'usage de la langue swahili, qui est une langue utilisée par nos populations de notre région. Après Zanzibar, nous avons pu visiter le port de Dar es Salaam, où nous avons échangé avec le département en charge des douanes, nous avons échangé avec le département en charge des taxes et impôts, après quoi nous avons pris le chemin vers Morogoro de Doma, Kahama, et après nous avons visité le poste douanier de Kabanga à Kobero. C'est par après alors que nous avons conduit notre chemin vers Bujumbura. Arrivé à Bujumbura, nous avons mené un riche entretien avec madame l'assistante du ministre burundais en charge des affaires de la communauté est-africaine et nous a fait l'image de l'intégration au niveau du Burundi dans la communauté. Après, nous allons visiter la commission chargée de la recherche scientifique en matière de santé, une commission un organe installé ici à Bujumbura. Ainsi, nous évaluons le niveau du degré de l'intégration. Nous évaluons la mise en œuvre des projets intégrateurs au niveau de la communauté. Le degré de la mise en œuvre de différents protocoles signés pour pouvoir faciliter l'intégration. La mise en œuvre du protocole de l'union douanière. Quand on parle le protocole du marché commun, la libre circulation des personnes, la circulation des capitaux, et ainsi on facilite l'intégration au niveau de notre communauté. Après, nous allons continuer les mêmes activités au Rwanda. To get feedback also. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Parlons maintenant mines. Les preuves attestant que le Burundi a adhéré à l'ITE n'ont pas encore été rendues publiques. Ce sont les propos du président de l'organisation Parole et Action pour le changement de conscience et de mentalité, PARSEM. C'est après que le ministère de l'Énergie et Mines ait affirmé que le Burundi a déjà adhéré à l'ITE lors de la présentation des réalisations de son ministère en 2017. Faustin Dikoumana demande la transparence dans l'exploitation minière. On l'écoute. Adhérer à l'ITE, initiative de transparence des indices extractifs, c'est la première gage de transparence par excellence. Parce que pour mieux justifier les avantages d'adhérer à l'ITE, on parle même de la raison de naissance de l'ITE. L'ITE est venu pour pallier à un problème lié, un problème constaté depuis longtemps, que beaucoup de pays africains regorgeaient de ressources naturelles minières, mais que l'exploitation se faisait à telle enseigne qu'une petite poignée d'hommes de privilégiés des régimes bénéficiaient ça à travers la corruption menée par les grandes multinationales. On dirait que les grandes multinationales se comportaient comme des vautours. On dirait que la source minière africaine devenait comme un cadavre et les multinationales comme des charognards qui s'y acharnent au détriment de l'intérêt du citoyen. Alors, on a vu constater aussi que cela découlait en fait de manque de transparence dans la gestion du secteur. Et l'ITE, alors, la devise de l'ITE, c'est publier ce que vous payez. En prix, membre de l'ITE s'engage à publier officiellement ce qu'il reçoit à travers l'exploitation des recettes minières. Que le Burundi a adhéré à l'ITE, moi je n'ai pas encore eu un document attestant que toutes les formalités sont terminées, mais je croyais que le processus était en cours. Je ne sais pas si le processus est déjà terminé parce qu'il y a même des documents officiels qui doivent attester que le Burundi est membre de l'ITE. Il y a aussi une étape de nomination de ce qu'on appelle un administrateur indépendant. Rien ne me prouve l'adhésion officielle du Burundi à l'ITE. Si c'est le cas, il faudrait que le ministre publie ça officiellement. Et on devait alors suivre. Voir si ce paiement, cette transparence est effective. Est-ce qu'on pourra considérer la traçabilité au niveau budgétaire des recettes découlant des recettes minières? Cap Sungozi, le directeur de la DPAE de cette province, met en garde les bénéficiaires des free zones données par le programme de développement des filières qui les vendent sans l'autorisation des autorités habilitées. Ils se verront retirer d'autres vaches restant à la maison. Et même traduit en justice, Lazare Nsagouye indique néanmoins que ce don a apporté un léger mieux aux ménages qui en ont par rapport à ceux qui n'ont pas encore été servis. Suivez Lazare Nsagouye au micro d'Apollinaire Mozagara. À l'heure actuelle, on a déjà mis dans la chaîne de solidarité communautaire bovine un effectif de 1248 vaches, c'est-à-dire qui représente 83%. Et actuellement, nous avons 3532 vaches issues de ces 1508 vaches diffusées. Le taux d'augmentation de ce cheptel équivaut à 132,5%. Et la population bénéficiaire en tire profit. Il y a des bénéficiaires directs, mais les bénéficiaires indirects. D'abord, il y a le volet qui concerne la production du fumier, ce qui provoque la production agricole dans les ménages bénéficiaires. Même les ménages qui n'en ont pas bénéficié peuvent acheter du fumier chez les voisins. Et c'est pour cela que vous entendez parler de la production agricole satisfaisante. En deuxième lieu, il y a la production du lait. Ce lait produit est vendu par les bénéficiaires et comme ça, ils peuvent se procurer d'autres choses pour améliorer leur niveau de vie. En troisième lieu, il y a la production du lait qui est consommée par les ménages bénéficiaires et les ménages ménages qui n'ont pas de vache et vous entendrez aussi dire que le taux de malnutrition diminue de plus en plus. Parmi les bénéficiaires, on parle de ceux qui vendent illégalement ces vaches. Combien ont été déjà vendues et quelles sont les mesures que vous envisagez prendre, que vous avez déjà prises pour dissuader ces personnes qui les vendent? Il y a des gens qui ne comprennent pas très bien le projet, qui ont déjà vendu et 20 vaches. Les mesures de dissuasion sont là parce qu'il y a le contrat signé entre le bénéficiaire et la DPI. On se réfère à ce contrat. Au cas contraire, il y a la justice qui est là, qui nous aide à punir ces malfaiteurs. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Aloïse Haounimana, coordinateur de l'ONG Frontline Defenders dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud, a été libérée ce lundi à Bujumbura après 3 jours de détention. Dans un communiqué sorti ce lundi dans l'après-midi, Frontline Defenders se réjouit de cette libération et salue la solidarité affichée par les défenseurs des droits de l'homme sur cette affaire et cela en Afrique. Et à ce propos, Pierre Ouliquier, porte-parole de la police, indique qu'Aloïse Habimana et cette femme avaient été arrêtées sur des soupçons. On l'écoute. Il a été relaxé ainsi que une dame burundaise qui l'accompagnait après un bref interrogatoire sur leur mouvement suspect ici au Burundi depuis l'année 2016 et même l'année passée et même cette année. Et l'homme avait effectué plusieurs mouvements suspects et pour ce mouvement alors ils avaient été appréhendés et ils ont été brièvement interrogés avant d'être relaxés. La relaxation de ce défenseur des droits de l'homme signifie que la police se serait trompée pour son arrestation. Et ça signifie que toutes les informations qui sont sorties de cet interrogatoire sont contenues dans un procès verbal d'enquête cheminé à la justice burundaise. Est-ce que l'arrestation de ce défenseur des droits humains ne risque pas d'être interprété que les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas les bienvenus au Burundi? Pas du tout. Les défenseurs des droits de l'homme sont les bienvenus au Burundi et ils exercent parfaitement leur métier sans aucun problème. Mais pour une organisation qui a été citée dans l'exfiltration des criminels renommés, il est normal que ces représentants ou des membres de cette organisation, une fois un mouvement suspect sur ce territoire, il est normal qu'il soit appréhendé et interrogé. C'était Pierre Ngourikiye, porte-parole de la police, qui s'exprimait sur la libération d'Aloïse Habimana, coordinateur de l'ONG Frontline Defenders dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. Pour terminer ce journal, parlons sport. L'ancien entraîneur de l'équipe Vitalo compte tout faire pour rétablir cette formation anciennement citée parmi les équipes de Renault en première division du championnat national. Gilbert Kanyengore l'a dit ce dimanche après que son équipe ait battu 1-0 Flambeau de l'Est de Louyigui. C'était lors de la 19e journée du championnat national de la Ligue A, baptisée Primus League. Gilbert Kanyengore dit à Yaoundé, après 2 ans d'absence, d'y être satisfait des prestations de ses joueurs lors du match de ce dimanche. On l'écoute. Je suis très très très satisfait parce que il fallait quand même gagner le premier match pour avoir confiance non seulement en moi-même mais aussi aux joueurs et aux dirigeants de l'équipe. Donc c'est avec beaucoup de joie que j'accueille cette victoire. Que ramène Yaoundé dans Vitalo aujourd'hui? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je crois que regardez autour de nous, regardez dans les tribunes, partout, un peu partout. Je pense qu'il n'y avait pas aussi de fanatiques qu'aujourd'hui. J'espère que ça va continuer comme ça. Et c'est ça surtout que je ramène dans l'équipe. L'espoir, l'amour dans notre chère équipe Vitalo. Vitalo occupe la 4e position. Il ne reste que 10 matchs. Que va faire Yaoundé pour que Vitalo soit premier ou 2e? Yaoundé fera beaucoup de choses, je suis sûr. J'ai vu l'accueil de mes joueurs. On croirait qu'on était toujours ensemble, alors que certains viennent de me voir à peine. Mais en une semaine seulement, ils ont une grande confiance en moi. Et vous allez voir ça sur le terrain. Donc, en 10 matchs qui restent, j'espère bien que nous allons les gagner. C'est franchement notre ambition. Si on gagne les 10 matchs, on peut arriver à avoir une deuxième, une troisième place qui est honorable parce qu'on avait mal commencé. Lors d'autres matchs qui ont eu lieu en fin du week-end, ce dimanche, Message Ngozi a battu Aigle Noir 1-0. Samedi, Ngozi City a battu Atlético Olympique 1-0. Flambeau du centre a dominé Delta Star sur le score de 3-0. Abuja City a battu les jeunes athlétiques 3-1 et le match entre Interstar et les Lières s'est soldé sur le score d'un 0 en faveur d'Interstar. Parlons enfin élections. Plus de 5 millions, soit plus de 112% de Burundais, se sont fait enrôler pour le référendum et les élections de 2020. Telle est l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante dans une conférence de presse animée l'après-midi de ce lundi. Pierre Claver Ndayichariye a indiqué que cette forte mobilisation dans l'enrôlement résulte de la sensibilisation faite par les autorités administratives. Et c'est ici que se termine ce journal. Mais avant de nous séparer, un petit rappel des titres. Le coordinateur de Frontline Defenders dans la région de l'Afrique de l'Est a été libéré dans l'après-midi de ce lundi après 3 jours de détention au service de renseignement burundais, selon les informations du vice-président de cette organisation de défense des droits de l'homme. Un vent violent a porté 8 vies de pêcheurs sur le lac Tanganyika. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. À part ces vies perdues, des bateaux de pêche ont été endommagés. Une délégation des députés de l'EYALA est au Burundi depuis ce samedi pour visite de travail en vue de parler du marché commun ainsi que l'intégration de tous les pays dans la communauté est-africaine. En sport, vous l'avez entendu que le nouvel entraîneur de Vitalo compte redynamiser cette équipe pour la remettre au podium des grandes formations footballistiques. Et voilà, c'est par ici qu'on se sépare. Excellente suite des programmes de la radio Isanganiro.